c'était le temps des vacances. 3, 4, allez. 3. Arnaud. Papa, c'était comme ça. On n'avait pas vraiment le choix. Ouais, tu sais bien. Il y avait toujours quelques copains, une bonne bouteille, un bon refrain. Et on était heureux. Et c'était bien. Découvrez le nouveau Ken. La chanson française. La quintessence de la chanson française. Pardon Ninja, mais jouez les gars, jouez. Formidable. C'est formi, formimi, formidable. À vous. T'es une femme, je te jure, je te ferai un beau, mais... Yeah. C'est Toto, ça, non ? Espèce de petite... Merci ! Il est cool. Jaws, il est cool, c'est un mec cool, je dis. Oh, Jaws, allô, Jaws, allô, Jaws, oh, Jaws, t'as le cool. Bonsoir, je m'appelle Henri. Je me présente, je m'appelle Henri. Vas-y, fais chouette. 1, 2. Je me présente, je m'appelle Howard. J'aimerais bien réussir à être intermittent. Mes cachets, gagner de l'argent et surtout bosser à plein temps pour pouvoir dire à la MPE que j'ai mes cachets. Je me présente, je m'appelle Howard. Pour l'instant, suis au chômage, je suis sur Ninja. Ça c'est vrai, pour jouer c'est super cool, avec des mecs qui jouent même à Séoul. Et pourtant, y'a un truc qui me manque, et chier c'est du vent. Et pourtant dans ma vie, je veux qu'on parle de moi, qu'on dise il est super, ah ouais. Qu'on m'annonce ma vertu. Merci à vous, l'orchestre. Je vais mourir malheureux.